Faut te sortir totalement. C'est pour ça que je dis, l'homme doit un jour ne plus vivre d'émotion. Parce que c'est l'émotion qui maintient ça en vie. Parce que votre corps n'est pas capable de l'absorber sans souffrir. Dans ta force que tu as déjà demandé, le senti explosion ou expansion, ou... ça tout est mouvement. Tout. Est-ce que la vie, c'est une vie? Le mouvement, c'est tout. C'est comme une aurore boréale, depuis moi, là. C'est comme une aurore boréale qui est beaucoup en mouvement, là, mais multipliée par. C'est comme une aurore boréale, qui est multipliée à une vitesse énorme, qui parcourt, qui est presque instantanée depuis le mois. À chaque instant, il peut être n'importe où. Et il est partout à la fois. Puis on n'a pas accès à cette énergie-là. Il faut qu'on ait accès à cette énergie. Alors, je veux que tu parles. Admettons, quand un être reçoit une vibration, ses premiers mouvements, c'est d'aller, quand tu reçois cette énergie-là, là, ça, d'après moi, son premier effet, c'est d'aller créer une forme dans le plan astral pour cette assistance. Il fait ça dans un premier temps. Puis dans un deuxième temps, là, il se rend compte qu'il ne coule plus à sa force. Dans le premier temps, là, il descend une volonté. En premier, il souffre, carrément. Il n'est même pas capable de satisfaire le cas. C'est d'aller créer une forme pour arrêter ça. Dans un deuxième temps, il descend une volonté, si vous portablement fort pour être capable au moins de créer une forme pour avoir une illusion de contrôle, ça. Mais je me sens tout à l'heure dans un troisième temps, quand l'individu que l'ajusteur de pensée donne la pensée que l'individu doit décider que choisit, par rapport au mot, de maintenir les tours. À ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? Vous voyez ce que je veux dire? Je veux juste maintenir l'état énergétique de la souffrance. Pas créer une forme. Rester avec. L'individu est conscient. C'est ça être conscient. C'est être d'une façon permanente dans l'intelligent. C'est être d'une façon permanente en dehors de la forme. À ce moment-là, le mouvement qu'il va créer va sortir de la sphère et va aller sur le plan mental. Automatiquement. Oui, ça va être du mouvement. C'est toujours du mouvement. Mais ça, tu ne choisis pas. C'est intéressant, ça. Tu ne choisis pas ça par ça. Dans la vie, tu n'as pas besoin de choisir parce que quand tu es conscient, tout ce que tu fais, c'est correct. Fait que tout ce que tu fais, c'est correct. Il n'y a plus de choix. Mais là, ça dépend. C'est quand ce que tu penses que tu fais. C'est quand tu penses à ce que tu fais qu'il y a un choix. Quand tu penses plus puis tu agis, tout ce que tu fais, c'est correct. Automatiquement, il n'y a plus de choix. Exemple, quand tu vas faire pipi, tu ne te demandes pas si c'est correct ou si c'est pas correct. Parce que c'est totalement en dehors du phénomène de la pensée. C'est quand tu tombes au niveau de la pensée que là, le choix rentre. Mais il faut que tu en arrives à dépasser le plan de la pensée pour faire tout de la même façon. Librement. Alors, librement, dans ce sens que tu n'as pas le choix à faire. Tu n'as pas à penser à rien. Tu n'as rien qu'à faire du mouvement. Ok, t'as même pas. Ouais, ok. Je suis en train. Tu continues le mouvement de la tombe. Tu continues. Puis tu fais toujours le mouvement selon ton niveau de tu fais toujours le mouvement selon ton niveau de conscience parce que tu peux absorber l'énergie du mouvement selon ton niveau de conscience.

Ben, une espèce de patience cosmique dans le temps, je m'en fais, dans le temps. Voir le bout d'une chose ou la fin d'une chose, ouais. Puis monter quand même vers la chose. Ouais, c'est ça. Puis être capable d'être dans le but, tu sais. C'est ça. C'est une alliance. C'est une alliance. Exactement. C'est une alliance. Non. C'est vibratoire. Moi, quand Gisèle, elle me dit, là, je suis plus capable de rester à Montréal tout seul. Je suis plus capable. Faut que je monte dans le Nord. Il a fallu que je crée les conditions pour qu'elle monte dans le Nord. Parce que là, c'est sa santé émotionnelle qui tombe à l'eau. Il n'y a plus. Fait que tu deviens lié à ces gens-là, puis ils sont liés à toi. C'est. Et d'autres gens qui sont liés à Gisèle. C'est une chaîne, mais moins forte. Ouais. Dans le cas de d'autres gens, ça va être directement dans l'acheteur. Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'intermédiaire. C'est intérieur parce qu'il n'y a plus de contrat sur le plan humain. Mais ça devient terrible dans ton cas parce qu'il n'y avait personne, il n'y avait rien. Ben oui, mais il faut que ça commence quelque part. Moi, Bernard, j'ai commencé à entendre parler de l'isolation psychologique, ce qu'on appelle l'isolation, c'est rendu à un moment donné, on fait plus partie de l'intérêt, on fait plus partie de on dirait qu'on s'en fout de ce qui est là pendant un moment donné, qu'on fasse partie ou qu'on ne fasse pas partie, on sait qu'elle est valable tous les deux, si on fait partie, on est marqué ou on n'est pas marqué, parce qu'il n'y a pas d'effort à faire. Mais quand même, à un moment donné, c'est que tu vis, tu vas dans ton corps matériel, puis qu'est-ce qui arrive avec toi, tu sais, je veux dire, c'est ici. Ben, vous, la patience, mais je ne sais pas si c'est dur à vivre. C'est vibratoire, c'est pas une isolation psychologique, comme je dis. C'est psychique. C'est vibratoire. À ce moment-là, quand tu es rendu là, il faut que tu t'organises. Puis tu n'as pas d'idée, tu ne peux pas rien faire, tu peux pas dire. Oui. C'est là l'affaire de la patience. Tu sais, quand je disais, vous souffrirez de patience. Puis à un certain moment, tu pètes la patience. Parce que les éléments sont là pour te permettre de faire ce que tu veux faire. Ce que tu voulais. Ils te font rien voir parce que le travail n'est pas fini. Ils font te voir, puis là, tu oublies suite. Ouais. Tu sais, ils font oublier ce que tu as vu. Ouais. Parce qu'en fait, ce que tu recherches, c'est rendez-vous en état à terre. Tu vas juste la paix. Mais tu ne peux pas l'avoir non plus. Mm-hmm. Fait que c'est juste une marche. Pardon? Parce que tu fais plus partie d'aucun monde. Mm-hmm. Tu ne peux même pas te suicider. Parce que quand tu pètes la patience, tu crées juste une marche. Ouais. Quand tu pètes la patience, là, c'est parce que tu as descendu ta volonté suffisamment pour faire ce que tu veux. C'est ça. Ce que tu veux, c'est ce que tu dois. Ce que tu dois, c'est ce que tu sais. Puis ce que tu sais, c'est ça. Mais plus tu es capable de travailler avec cette énergie-là, plus les marches doivent être courtes. Ouais. Comprends-tu? Ouais. Plus tu avances. Le premier terme, ouais. La marche arrête, ouais. De te reposer. Ouais. Plus ça va, plus on court. Parce que plus le temps avance, moins tu es capable d'être patient. C'est correct? Tu développes l'état de patience, puis l'état de patience, puis l'état de patience, puis l'état de patience, puis à un certain moment, tu l'as tellement développé que tu ne le peux plus. C'est là que tu as besoin de tes dessins. Là, tu fais ce que tu veux faire, puis finalement, là, tu appelles. Tout fonctionne. L'intelligence, la volonté ne peuvent pas descendre tant que vous n'avez pas atteint le paroxysme de votre patience intérieure. Ça, je vous en donne une clé, là. Puis le paroxysme de votre patience intérieure, c'est le stage où vous en arrivez à la grande rébellion.